Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Beaucoup de nouveautés dans l'émission de ce soir, des nouveautés qualitatives. Et je tenais également à vous le dire, j'essaierai d'y repenser tout au long de l'émission, vu que là en plus on est sur une nouvelle émission en différé. Pas d'émission du tout dimanche prochain, le 12 juin, pour cause de prise d'antenne béton post-Ocar. On se retrouvera le 19 juin pour une émission de nouveau en différé. Donc voilà, profitez bien de l'émission de ce soir, parce que la semaine prochaine, il n'y en aura pas. Qu'est-ce qu'on a au programme, notamment des nouveautés? Eh bien, on a les nouveaux... les Allemands de Creator, les Français de Bluthaus Nord, les Hollandais de Sever Torture, les Norvégiens de Odreyorn, les Suédois de Lord Belial, et quelques autres joyeusetés françaises et internationales qu'on va vous clairsemer tout au long de l'émission de ce soir. Émission que l'on commence d'ailleurs tout de suite immédiatement par une nouveauté. Creator, les vétérans du trash allemand qui sortent là leur 15e effort studio, 5 ans après Gods of Violence. Un album que qu'on avait d'ailleurs probablement diffusé, mais sans grand intérêt. Hein, Creator lève un petit peu le pied, nous sort maintenant une espèce de trash redondant, à moitié mid-tempo, limite trash mélodique. Cependant, le titre qu'on vous a sorti ce soir, on est sur du trash ultra frontal, un vrai petit brûlot, un petit bijou qui fera mouche sur scène. Un visuel signé l'incontournable Eliran Cantor, et à noter que c'est tout simplement le premier album enregistré avec le bassiste français Frédéric Leclerc, membre de Loud Blast ex Dragon Force. Voilà, à noter que Frédéric a rejoint le groupe en 2019. Et en doublette avec les Allemands de Creator, les Américains de Misery Index. Le groupe de Brutal Death, Grindcore Hardcore, sort son 7e album studio. 9 titres pour 33 minutes, c'est direct, c'est frontal, c'est bestial. Reciprocal Repulsion, c'est le titre qu'on s'écoutera, extrait de l'album Complete Control, une sortie Century Media. Et donc Creator, toujours en petite avant-première, l'album sort le 10 juin, c'est chez Nuclear Blast, et on s'écoutera le titre de l'album 8 Uber Alles. C'est parti, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission de ce soir. Maybe I'm Doublette suivante, une autre nouveauté avec donc les Norvégiens de Audrey Horn. Bah, c'est un groupe qu'on a découvert il y a quelques années maintenant, tout début 2010, je crois bien, ou juste avant. Enfin, c'était une très très bonne découverte avec voilà leur espèce de heavy hard, bah, bien bien bien dynamique. C'est hyper catchy et efficace, légèrement mélo, une petite touche un peu heavy hard rock old school. Et pour le coup, c'est le groupe le plus light de l'émission de ce soir. Sinon, on a globalement du metal extrême. Même pour les groupes qui tendent un peu vers le heavy, ça reste bien vénère. Voilà, donc Audrey Horn, le groupe est actif depuis 20 ans. Ils sortent là leur 7ème album studio. Et de mémoire, c'est un espèce en plus de All Star Band, sauf le chanteur, de la scène extrême norvégienne. Donc c'est parfait. Et en doublette avec les Norvégiens, on retrouvera les Grecs de Septic Flesh, le groupe de Death Symphonique qui sort son nouvel effort studio, le 11ème album. Voilà, notez le passage de Season of Mist à Nuclear Blast. C'est riche, c'est death metal, et on note une présence beaucoup plus marquée des guitares qui prennent de nouveau le pas sur les arrangements, ce qui était un petit peu l'inverse sur les 2-3 derniers albums. Voilà, parce qu'en plus en termes de riffing, Septic Flesh, bah, c'est super intéressant, même si les arrangements restent grandioses et qualitatifs. Audrey Horn, le titre Animal, extrait de l'album Devil's Bell. Septic Flesh, Neuromancer, extrait de l'album Modern Primitive. C'est parti. Dying light. Doublette scandinave, extrême scandinave. Ensuite, tout d'abord, les Norvégiens de Cranium, le groupe de slam qui sort son nouvel effort studio, non pas sous forme d'un album, mais d'un split, Polymorphic Chamber of Human Conception. Voilà, un split sorti avec Existential Dissipation. Knee Deep in Stillbirth Afterbirth, ce nouveau split de Cranium annonce du très très bon pour la suite des sorties studio, parce que c'est terriblement efficace, et le son s'est vraiment amélioré et alourdi. Et en doublette avec Cranium, les Suédois de Lord Belial, pour intégrer donc une nouvelle nouveauté dans l'émission de ce soir. On est sur du Black, formé au début des années 90, ils sortent là leur 9e effort studio. A noter cependant que c'est le premier en 14 ans, puisque le précédent avait le jour en 2008. Tout au long de ces 10-12 dernières années, Lord Belial a eu des périodes plutôt d'inactivité, sans être trop présent ni sur scène ni sur album, en studio d'ailleurs. On est sur du black typiquement suédois, c'est brutal, c'est frontal, avec ses petites mélodies cependant typiquement glaciales suédoises. Y a rien de neuf, mais c'est un grand classique qui fait bien le boulot. Cranium, donc les présentations sont déjà faites, et Lord Belial, on s'écoutera le 13 Destruction, extrait de leur nouvel effort studio Raptor, une sortie Emerald Records, c'est une nouveauté. Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6, nouvelle émission en différé pour aujourd'hui. Pour rappel, pas d'émission dimanche prochain pour cause et ben, tout simplement de prise d'antenne Radio Béton poste au quart. Donc voilà, soyez pas surpris si vous allumez le 93.6 dimanche prochain et que vous ne tombez pas sur l'émission, c'est tout à fait normal. On enchaîne avec la doublée suivante et une autre nouveauté, mais tout d'abord Come to Grief. C'est un groupe qu'on vous diffuse depuis quelques semaines. Groupe de Doom Sludge ricain, ils sortent là leur premier album studio après différents splits et EP. Et en fait, tout simplement un héritage du groupe Grief, contemporain des premiers vieux groupes de sludge ricain tels que Hayed God et autres Crowbar. Come to Grief, bah, c'est tout simplement aussi mené par un des fondateurs de Grief de l'époque. Voilà donc pour les petites présentations. Et la nouveauté qui vient en doublette avec eux, ce sont les Hollandais de Severe Torture, le groupe de Brutal Death actif depuis 97, qui fait enfin son grand retour studio avec seulement un petit EP, 3 titres. Faut noter, c'est vrai que j'étais complètement passé à côté. Le dernier album de Severe Torture date de 2010, ça fait partie des premiers trucs qu'on a dû vous diffuser. Il s'appelait Slaughtered et était sorti chez Season of Mist. Ce nouvel EP voit également le jour sur le label marseillais. Come to Grief, Devastation of Souls, extrait de l'album When the World Dies. Severe Torture, extrait de l'EP Feasting the Sockets. A noter que ça sort le 10 juin et on s'écoutera le titre de l'EP. C'est parti. Eh ben, c'est déjà l'heure d'attaquer l'aspect française avec tout d'abord le très très bon groupe alsacien Sacrificer, le groupe de Heavy Speed Black qui sort un nouvel effort studio, Le Diamant de Lucifer. C'est le premier et véritable album. En fait, le premier EP était déjà tellement qualitatif que pour moi ça valait largement un album hein, intitulé La Mort Triomphante, à vous procurer. Et surtout à écouter en boucle. Là, ce premier effort, enfin ce premier album, pardon, 10 titres pour 40 minutes, des chants en français et en anglais, un visu bien old school, et puis bah, musicalement ça frappe royal. Et en doublette avec Sacrificer, changement d'ambiance et changement de région avec les Lillois de Gronibar, le groupe de Gorgrain français qui sort son troisième effort studio, un 16 titres qui atteint les 38 minutes, pour ma part, ça peine à convaincre. Enfin bon, je pense qu'il nécessite plusieurs écoutes, même si j'avoue que deux ou trois ça a déjà été suffisamment compliqué, alors que bah, de base j'aime vraiment beaucoup Gronib. Enfin bref, Ripped Under the Grave, extrait de l'album Le Diamant de Lucifer, signé Sacrificer, une sortie Osmose Production, Gronibar, le monstre des Zizi. Et ouais, c'est pas une blague. Extrait de l'album Regarde les hommes sucer. Et ouais, c'est pas une blague. Et l'album est noté et sorti sur label français Season of Mist, c'est parti. Yeah. On déroule que des numéros 10 dans la team spé française de ce soir, avec une autre excellente nouveauté, le glorieux, grandiose black metal de Bloodhouse Nord, le groupe de black atmo, limite hallucinatoire, incantatoire et surtout avant-gardiste, hein. Alors on n'est pas sur le même type que Despel. Mais bon, 14e effort studio pour le groupe actif depuis bientôt 30 ans. Hallucinogène était sorti en 2019. Voilà, ça reste assez brutal dans certains éléments très black traditionnels. Mais globalement, ça reste assez hypnotique, mystique, hein, comme je disais, presque hallucinatoire, dans la foulée de hallucinogène, bien évidemment. Voilà, ça s'écoute au casque et c'est vraiment immersif comme musique. En doublette avec Bloodhouse Nord, Sunstair, la formation de post-hardcore Doom Sludge qui nous vient de Lille, qui depuis 2013, ils sortent là le troisième effort studio du groupe. C'est monolithique, c'est pareil, c'est très prenant et pesant. Le thème principal, l'ambiance globale de Sunstair est travaillée autour des mythes et légendes sumériennes. Voilà, c'est suffisamment peu courant pour être reprécisé. Bloodhouse Nord, Neptune's Eyes, extrait de l'album Disharmoniable Unjammable Abysses, une sortie d'Emmure Morty Production. Et Sunstair, ensuite Zigzag Girl, qui peut se traduire par Sauve-vie, j'imagine, en sumérien, extrait de l'album Suite Zudra. Et c'est déjà dispo.